Combien de fois d'enfer. Bonsoir. Ce sont les violences à Paris qui occuperont bien entendu l'essentiel de ce journal. Des violences qui ont pris de l'ampleur aujourd'hui puisqu'elles ont fait un mort. En effet, un jeune émeutier a été tué par un policier devant le Sénat en fin de journée. Au moment où je vous parle, la situation dans tout le quartier latin est encore extrêmement tendue. Nous faisons le point dans un instant. Cet après-midi, déjà, des émeutiers avaient pris pour cible l'hôtel de ville de Paris et le BHV à proximité. Le BHV dont le bâtiment a presque entièrement brûlé. Nous allons revenir aussi sur la fameuse cassette vidéo qui est parvenue ce matin dans la plupart des rédactions. Il semblerait qu'elle montre clairement la responsabilité d'un agent de la RATP dans la mort de la petite Naïma. La situation est confuse ce soir dans la capitale. Les pompiers sont toujours au travail sur le site du BHV qui n'est plus qu'une ruine. Au nord de Paris, dans le quartier de Barbès, la foule a dressé des barricades. Et au quartier latin, on redoute de nouvelles émeutes dans la nuit. Essayons d'y voir plus clair sur cette journée de violence avec vous, Clémentine Delahotte. Et revenons d'abord sur une nouvelle qui nous est parvenue par l'agence France Presse il y a à peine plus d'une heure. Une personne est morte à proximité du Sénat dans des heurts avec la police. Effectivement, Pierre, d'après les informations encore partielles qui nous sont parvenues, un groupe d'une vingtaine de personnes non identifiées, très agressives, aurait voulu prendre d'assaut le palais du Luxembourg, siège du Sénat, vers 19h ce soir. Ce groupe se serait bien entendu heurté au service d'ordre du Sénat et aux nombreux policiers présents devant le bâtiment. Face à ces manifestants armés de barres de fer, selon des témoins, l'un de ces policiers aurait pris peur, il aurait brandi son revolver de service. Deux balles ont été tirées, atteignant mortellement un jeune émeutier. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus et nous ne connaissons pas l'identité des deux victimes. Clémentine, plus tôt dans la journée, vous étiez vous-même dans le quartier de l'hôtel de ville, un peu par hasard d'ailleurs, vous étiez pour raison privée, et vous avez assisté aux affrontements. Comment cela s'est-il passé ? Eh bien, vers 15h, des agents de la RATP manifestaient dans le quartier de l'hôtel de ville pour réclamer plus de sécurité dans les transports en commun. Très rapidement, plusieurs petits groupes qui n'avaient rien à voir avec les manifestants ont surgi des rues voisines. Des gens qui portaient des cagoules, des foulards devant le visage et qui se sont attaqués aux manifestants ainsi qu'aux CRS présents sur place. La situation a rapidement dégénéré, la police a sorti les canons à eau et les émeutiers se sont retranchés dans le BHV voisin. Ils ont commencé à piller, puis ils ont jeté sur les brigades de CRS le contenu de leur pillage. Et puis vous le savez, rapidement le feu a pris, faisant heureusement seulement quelques blessés. À l'heure qu'il est, près de 60 émeutiers sont en garde à vue. Merci Clémentine. On peut penser qu'à l'origine de l'émeute meurtrière de cet après-midi se trouve la cassette parvenue ce matin dans les rédactions parisiennes. Une cassette vidéo qui remettrait en cause le scénario officiel de l'accident de mardi à la station République. Patrice Ledru, qu'avez-vous vu dans cette cassette ? Et oui Pierre, cette cassette, comme vous l'avez dit, que nous avons pu visionner, alors l'image n'est pas d'excellente qualité, mais on a bien le temps d'apercevoir la cohue de ce lundi, de distinguer la scène sur le quai de la ligne 5 à la station République. Et ce que ne disait pas le rapport officiel jusqu'à présent, et c'est ce qu'on constate sur ces images, c'est la violence, l'agressivité du comportement des contrôleurs RATP et le fait qu'un des contrôleurs, avant de chuter sur la voie, a voulu se protéger des coups de certains passagers et il a utilisé ainsi la petite Naïma, il l'a entraînée dans sa chute. Alors bien sûr, le film doit encore être authentifié, la cassette n'était accompagnée d'aucune revendication, on n'en connaît pas du tout l'origine. Cet après-midi, le Premier ministre a réagi rapidement, mais il n'a fait que reconnaître l'embarras du gouvernement. Pour l'instant, une enquête a été ouverte. Merci Patrice. Avec nous dans ce studio, Bernard-Henri Glückselkraut. Bonsoir. Bonsoir. Bernard-Henri Glückselkraut, je rappelle que vous êtes philosophe, romancier, directeur de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales, ancien chargé de mission auprès de Bernard Kouchner dans le gouvernement Jospin, ancien conseiller de Luc Ferry lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes aussi conseiller du directoire du journal Le Monde, éditorialiste au Figaro et chroniqueur dans l'émission de Stéphane Bern chez nos confrères de France Inter. Vous, qui avez fait mai 68, arrivez-vous à comprendre les émeutes actuelles dans Paris ? Je crois d'abord qu'il ne faut pas confondre les époques. Mai 68 était une grande révolte politique, avec un espoir, une volonté de construction. Aujourd'hui, en ce moment, on ne voit pas grand-chose d'autre qu'une volonté de destruction. Et quand je dis ça, j'ai en tête les scènes de cet après-midi au BHV. Qui tourne en boucle sur nos écrans de télévision, comme un mauvais film catastrophe. Vous savez, vous pensez aussi, j'imagine, aux morts du Sénat qu'on a pris. On a pris cette mort il n'y a pas longtemps. Évidemment, je pense aux deux morts de l'incendie de cet après-midi. Non, finalement, il n'y en a eu qu'un. On a eu la confirmation tout à l'heure. Mais je pense quand même à ce mort et je pense aussi aux jeunes gens tués devant le Sénat ce soir, et je m'adresse aux casseurs. Qui que vous soyez, voulez-vous vraiment semer la mort ? Quelles sont, d'après vous, les motivations des casseurs ? Je ne sais pas. On ne sait même pas qui ils sont. Je dirais qu'ils se saisissent d'une injustice, qui est la mort de cette petite fille en début de semaine, pour provoquer le chaos. Ils veulent rétablir la justice, mais ils ne font que provoquer la peur. Ils sont une poignée, bien organisée, bien répartie, et ils se saisissent honteusement de la tragédie de lundi pour semer l'anarchie. Ces gens cagoulés se veulent révolutionnaires. Ce sont juste des criminels illuminés. Vous n'y allez pas par quatre chemins, Bernard-Henri Glucksel-Croth. Est-ce que vous avez un message à leur transmettre ? Je veux leur dire juste ceci. Revenez à la raison. Revenez au calme et assumez vos actes. Enlevez vos foulards, enlevez vos cagoules et posez les armes. Votre méthode n'est pas la bonne. Je crois que votre message est clair. Merci Bernard-Henri Glucksel-Croth. Dans le reste de l'actualité, rapidement, le...